Jean-Baptiste Ndikoma Nyanga. François Kimana sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs, à ce journal, édition de la mi-journée de ce lundi 13 juin 2022, dont voici d'abord le sommaire. Signature ce lundi du financement de plus de 50 millions d'euros à travers Enabel entre le ministère de la Santé et l'Union européenne, et ce financement vient appuyer dans son ministère le programme Amagara Momuryango. Le café est parmi les principaux produits qui procurent des devises au Burundi. Au cours de l'année 2021, plus de 16 000 tonnes ont été exportées et ont ramené plus de 94 milliards de francs burundais selon les données de la Banque centrale. Récrudescence des cas de vol dans les champs de culture sur la colline Kajondi, commune Rutovu de la province Bururi, où 10 ménages de cette colline sont recensés victimes des cas de vol des semences de pommes de terre. Notre correspondant sur place nous en dira plus. Un arbitre de natation, avant de commencer le métier d'arbitrage, doit d'abord bénéficier de la formation dispensée par les experts dans le sport de natation. Dans un délai d'une semaine, vous l'entendrez dans la chronique sportive du jour. Ouvrons ce journal par la page coopération, signature de financement de plus de 50 millions d'euros à travers Enabel ce lundi entre le ministère de la Santé et de l'Union européenne. Docteur Onesfor Nzigirabadia, assistant du ministre de la Santé publique, fait savoir que ce financement vient appuyer dans ce ministère le programme Amagara Momuryango, qui va contribuer chez les femmes enceintes et les enfants d'au moins de 5 ans. On l'écoute. Pour ces cérémonies de signature du financement de l'Union européenne via Enabel pour le programme Amagara Momuryango, qui est une troisième phase du programme d'appui au système de santé à travers l'outil de financement basé sur la performance. Le programme Amagara Momuryango, objet de notre présence ici, d'un coût de 55 millions d'euros, a pour objet principal de promouvoir la mise en place de la couverture sanitaire universelle et avec comme objectif spécifique l'amélioration de l'accès durable aux services de santé et de la qualité des soins en vue de l'atteinte des objectifs qui leur étaient fixés, mais aussi des activités de recherche en vue de comprendre certaines des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du financement basé sur la performance couplé à la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et celles qui accouchent. Je vous le disais en titre, en page sécurité, récrudescence des cas de vol dans les champs de culture sur la colline Kajondi, commune Rutovu de la province Bururi. 10 ménages de cette colline sont recensés victimes des cas de vol des semences de pommes de terre qui sont déterrées par des inconnus dans les champs des vallées de Kajondi pendant cette période de semailles. Ces cultivateurs grognent qu'en collaboration avec l'administration à la base, ont dernièrement conduit 4 suspects au commissariat communal de Rutovu, mais ont été déjà libérés. Les sources policières à Rutovu indiquent que les témoins à charge n'avaient pas des preuves suffisantes, raison pour laquelle ils ont été libérés, mais les enquêtes continuent. Les détails avec Zenouz Abima. Certains des cultivateurs de la colline Kajondi, commune Rutovu de la province de Bururi, disaient que cette période de semis des pommes de terre en cours dans les marais a été marquée par des cas de vol inhabituels. Les semences sont volées des terres pendant la nuit par des inconnus dans les vallées de Kajondi. 10 ménages de cette colline sont déjà recensés victimes de ces cas de vol. Juvenal Nahayo, un des cultivateurs de Kajondi, indique que ces semences ont été volées des terrains deux fois successives dans un même champ au cours de cette période de semailles. La première fois, 80 kg ont été volés des terrains et 70 kg la deuxième fois. C'est une grande perte enregistrée, surtout que la main d'œuvre, les fertilisants et les semences coûtent aujourd'hui énormément cher, indique toujours ce cultivateur. Tous ces cultivateurs de Kajondi craignent déjà qu'ils risquent de mourir de faim si rien n'est fait. Leonidas Yatongimana, chef de la colline Kajondi, fait savoir que ces cas de vol dans les champs sont déjà connus à Kajondi. De même que les cultivateurs de cette localité, ils déplorent le fait que 4 présumés auteurs de ces cas de vol ont été dernièrement conduits au commissariat communal de police à Rutovu par la population en collaboration avec l'administration à la base, mais ont été déjà libérés alors qu'ils avaient été dénoncés par un commerçant de la localité qui avait acheté ces semences volées. Ce qu'ils qualifient d'impunité qui risque d'aggraver la situation. Selon les sources policières à Rutovu, les témoins à charge n'avaient pas de preuves suffisantes pour les charger, raison pour laquelle ces 4 personnes ont été libérées. La police à Rutovu demande plutôt aux cultivateurs de payer les veilleurs pour garder leurs champs et les enquêtes continuent selon le commissaire provincial de la police à Bururi, colonel de police Maniagaba Dieudonné. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Du sud de Cap sur le nord du pays pour parler justice. 25 ans de servitude pénale, 3 millions de francs burundais de dédommagement ainsi qu'une amende de 50 000 francs burundais. C'est la condamnation du tribunal de grande instance d'Ngozi à l'endroit de Sylvestre Nambukié, un homme de 55 ans de la colline Guitaro en commune Kiremba de la province Ngozi. Il est poursuivi pour viol sur un handicap suite à l'âge avancé de la victime. C'est après ce forfait de samedi dernier sur une vieille de 80 ans de la même colline Guitaro. Il est coopéra aussi 15 ans de contraintes par corps en cas de non-paiement de cette somme à la victime. Selon ce jugement rendu par le tribunal de grande instance de Ngozi, une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le dis en titre, le café est l'un des principaux produits d'exportation ramenant des devises dont le pays a besoin pour ses importations. Au cours de la 2021, plus de 16 000 tonnes ont été exportées pour plus de 94 milliards de francs burundais selon des données de la Banque centrale. Au cours de cette année, le pays projetait un investissement de plus de 81 millions de dollars dans cette filière, selon le plan décennal de développement de l'État avec Méry Kanyang. La relance du sous-secteur agriculture d'exportation reste une priorité du gouvernement burundais, expliquaient les experts qui ont travaillé sur le plan national de développement 2018-2027. Soutenu par la Banque mondiale, le pays comptait investir dans la filière café plus de 81 millions de dollars jusqu'en 2021 pour doubler la production, un objectif qui nécessitait des réformes, notamment le remplacement de vieux caféiers, l'application de bonnes pratiques, l'extension des superficies de caféiers et autres. La valeur ajoutée de la branche filière café devrait afficher une augmentation moyenne de 32%. Nous référons sur le relevé des contrats de vente de café Arabica. Un rapport de la Banque centrale de 2013 à 2021, sur base des données de l'Office burundais pour le développement du café ODK, montre qu'en 2013, le café exporté était de près de 13 tonnes. Les quantités étaient de plus de 20 000 tonnes en 2019 pour se retrouver à plus de 5 000 tonnes de café exporté en 2020 et un tonnage de plus de 16 000 exporté en 2021, ce qui équivaut à plus de 94 milliards de francs burundais. Selon encore ces données de la Banque centrale, au mois de janvier 2022, plus de 800 tonnes de café ont été exportées et ont ramené plus de 5 milliards de francs burundais. Le café, une des principales cultures d'exportation, ramène des devises utilisées par le pays pour ses importations, les importations étant toujours supérieures aux exportations. Au 8 juin de cette année, le cours mondial du café était de 203 dollars par kilo. Merci à Mireille pour tous ces détails. Les caféiculteurs de la commune Gattara en province Kayanza disent que l'argent obtenu à partir du café cultivé ne peut pas leur permettre de se développer, surtout qu'ils dépensent beaucoup pour faire l'entretien des champs caféicoles. Ils demandent que le prix du café cerise soit revu à la hausse, allant de 1500 francs le kilo et plus. Les détails avec Patrick Seguiouf. Ces caféiculteurs de la commune Gattara disent que le café ne peut pas leur permettre de se développer et réaliser d'autres projets de développement du fait qu'ils gagnent peu compte tenu de beaucoup de moyens utilisés pour entretenir ce produit. Ces mêmes agriculteurs du café à Gattara voient que le prix du café cerise et devrait être revu à la hausse afin de permettre aux caféiculteurs de se développer à partir du gain obtenu et trouver aussi facilement des moyens nécessaires pour faire l'entretien de cette culture industrielle. Vu la hausse du prix des autres produits au marché précis et des caféiculteurs rencontrés en commune Gattara, le gouvernement burundais devrait faire le tout possible pour revoir à la hausse le prix du café en langue de 1500 francs, bout et plus. Ce caféiculteur de Gattara trouve que le fait que le prix du café reste toujours modique est l'un des facteurs de la flotte et de ce produit qui se fait remarquer dans certaines localités de la province Kayanza. L'exemple est celui de 745 kg de café parché et 757 autres de café cerise saisis en commune Kabarore lorsque leurs détenteurs tentaient de les vendre frauduleusement au Rwanda voisin. Un autre exemple est celui de la commune Gattara où a été saisi à peu près 27 tonnes de café parche conservées illégalement dans des ménages de la population. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiyumva de Kayanza. Rendons-nous à Gitega où certains caféiculteurs de la province de Gitega avouent qu'ils ont déjà détruit et dessouché les caféiers parce qu'ils ne produisent plus rien. Et le prix du café est dérisoire. Il précise qu'à la place, ils ont planté des cultures plus rentables. Ils réclament donc les moniteurs agricoles pour les encadrer. De nouveaux plans de caféiers plus productifs et la majoration du prix du café. Le directeur général de l'Office pour le développement du café du Burundi au DK indique que les plans et les moniteurs agricoles sont disponibles. Les détails avec Gélanie Bikita. Certains caféiculteurs de la province de Gitega disent qu'il y a parmi eux ceux qui ont déjà détruit et dessouché les caféiers parce qu'ils ne produisent plus rien. Ils ajoutent que c'est aussi parce que le prix du café est dérisoire pour un caféiculteur. Ils précisent qu'à la place, ils ont planté d'autres cultures plus rentables que le café, comme les bananiers, le haricot, le manioc et d'autres. Pour que le café redevienne bénéfique pour les caféiculteurs, il propose l'introduction de nouvelles variétés de plants de caféiers qui seraient plus productifs. Il réclame aussi des moniteurs agricoles pour un encadrement caféicole et rapproché. En outre, il réclame la revue à la hausse du prix du café cerise qui varierait de 1000 francs à 1500 francs le kilo. De son côté, le directeur général de l'ODK, Office pour le développement du café du Burundi, Emmanuel Niungeko, indique que les plans des caféiers et les moniteurs agricoles sont disponibles. Je vous dirais que déjà l'ODK est déjà en bas l'œuvre pour la production de ces plans qui sont souvent recherchés par les caféiculteurs. Tout caféiculteur qui en a besoin peut s'approcher au moniteur agricole, au moniteur assistant zonal, pour qu'il puisse l'orienter sur la voie et les modalités d'accéder facilement à ces plans caféiers qui sont donnés gratuitement. Nous interpellons alors tout un chacun de ne pas penser que les plans ne sont pas disponibles, sont disponibilisés régulièrement depuis le réengagement de l'État. Concernant les pratiques caféicoles qui sont intéressantes intéressantes pour la bonne production, nous informons tous les intéressés que les moniteurs agricoles qui sont sur les collines et les assistants nous sont aujourd'hui aux responsables de l'encadrement caféicole en collaboration avec le DK. Pour que, bien sûr, on puisse relever le défi qui avait été observé dans le passé lié au désengagement de l'État candidat ainsi à la bande progressive de la caféiculture. Toutefois, ils se réservent le droit de tout commentaire par rapport à la question de hausse du prix du café cerise, disant que le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a déjà fourni des explications relatives. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Un arbitre de natation, avant de commencer le métier d'arbitrage, doit d'abord bénéficier de la formation dispensée par les experts dans le sport de natation. Dans un délai d'une semaine, Cassien Bassogomba, alias Fantomas, président de la Fédération burundaise de natation, fait savoir qu'un arbitre qui viole les règles régissant le sport de natation doit subir des sanctions, y compris la suspension définitive dans le corps d'arbitrage. Les détails avec Marie-Claire Cazenet. Avant de devenir un arbitre de natation, on doit obligatoirement suivre les formations dispensées par les experts dans la discipline de natation. Explication de Cassien Bassogomba, alias Fantomas, président de la Fédération burundaise de natation. Pour devenir arbitre ou juge, d'ailleurs on les appelle des juges officiels, il faut avoir étudié et suivre le cours prévu pour les officiels de natation. Ça ne suffit pas parce qu'il faut pratiquer. Il faut officier dans une compétition. Là, il faut approcher les organisateurs, afficher le désir de devenir arbitre officiel. Il passe obligatoirement dans la fédération qui officie les compétitions de la fédération par son CV. Avec le choix de la fédération. Avoir la bonne cotation dans les compétitions régionales, selon ce président de la Fédération burundaise de natation, c'est le principal critère pour devenir un arbitre international. Dans une compétition internationale, parce que moment, si on participe à des compétitions internationales régionales, nous sommes autorisés d'amener deux arbitres. Par exemple, tu deviens un arbitre de la sous-région, tu es coté par l'organisateur de la sous-région, selon la cotation. Peuvent dire, voilà, votre arbitre est éligible pour d'autres compétitions supérieures, par exemple en Afrique, ainsi de suite. Mais le chemin obligatoire, c'est passé par la fédération. Un arbitre qui veut les règles régissant le sport de natation doit être suspendu dans le corps des arbitres. Sanction, c'est simple, c'est l'exclusion ou la suspension, c'est la faute. Les fautes, c'est généralement non respect de la loi. C'est venir arbitrer avec volonté et conscience, et surtout maîtriser. Règlement. Et généralement, les fautes, c'est dû à la violation, au non-respect du règlement. Sinon, il n'y a pas d'autre cause qui pourrait provoquer une sanction. Cassien Bassogomba précise que les arbitres burundais de natation affichent un bon comportement du fait qu'aucun arbitre n'a été suspendu suite au mauvais comportement. Voilà, c'est sur cette chronique sportive que se referme cette édition, mais à cela qui vient de nous capter en cours de route, je le rappelle, l'essentiel de l'actualité. Signature de financement de plus de 50 millions d'euros à travers un label ce lundi entre le ministère de la Santé et l'Union européenne. Ce financement vient appuyer dans ce ministère le programme Amagarama Mudiango. Le café est parmi les principaux produits qui procurent des devises au Burundi. Au cours de l'année 2021, plus de 16 000 tonnes ont été exportées et ont ramené plus de 94 milliards de francs dans les trésors publics. Recrudescence des cas de vol dans les champs de culture sur la colline Kajondi, commune Rutovu de la province Bururi. 10 ménages de cette colline sont recensés victimes des cas de vol de semences de pommes de terre. Un arbitre de natation, avant de commencer le métier d'arbitrage, doit d'abord bénéficier de la formation dispensée par les experts dans le sport de natation dans un délai d'une semaine. Vous l'avez entendu dans la chronique sportive de Solindi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique et merci à vous tous qui nous suivez. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga et bon après-midi à toutes et à tous. Actualité régionale. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous nous écoutez. Bienvenue à cette revue régionale. Les femmes journalistes sont les plus touchées par le harcèlement sexuel en ligne, écrit le journal du Standard du Kenya. 70% des femmes journalistes dans le monde ont été victimes de harcèlement en ligne, selon un récent rapport publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, poursuit ce journal, 20% d'entre elles ont été attaquées hors ligne, ce qui compromet leur vie professionnelle, leur sécurité physique et compromet leur santé et leurs perspectives professionnelles. Victor Guire, directeur de la stratégie et de la formation au Conseil des médias et du Kenya, a déclaré que le Conseil avait reçu 45 cas d'attaque contre des journalistes entre janvier et mai de cette année. La pénurie d'huile comestible prépare une tempête en Afrique de l'Est, rapporte le journal The East African. Selon ce journal, l'Afrique de l'Est est confrontée à une pénurie de matières premières pour fabriquer de l'huile de cuisson, des savons et des comestiques sans aucun signe clair de disponibilité de ces produits dans les 10 prochains jours, alors même que les prix montent en flèche, ce qui ajoute à la douleur des consommateurs. Mais ce sont les prix élevés et la pénurie d'huile comestible qui font rage dans la région. Actualité régionale. Le journal Mtanzania de la Tanzanie revient sur la satisfaction des chefs religieux sans loi le gouvernement pour avoir réduit les décès liés au sida. Dans les colonnes de ce journal, ces chefs religieux du pays ont félicité le gouvernement pour ses efforts visant à fournir une éducation sur l'utilisation appropriée et durable des médicaments antirétroviraux, ARV en sigle, pour les personnes vivant avec le VIH et à réduire les décès liés au sida dans le pays. L'appel lancé à Morogoro vendredi de la semaine écoulée 10 juin 2022 par le professeur Charles Kitime lors d'une réunion des médecins en chef et des experts du forum de l'Institut paraétatique et religieux de Tanzanie, où il a félicité le gouvernement par l'intermédiaire de la commission tanzanienne de lutte contre le sida, TACAIDS, pour l'excellent travail qui a été accompli. À genoux, pour le genou du pape, titre le journal Forum des As de la RDC. Connu pour son humilité, le pape François demande aux Congolais et aux Soudanais du Sud de prier pour lui. De l'autre côté, le pape François demande pardon à la République démocratique du Congo et au Soudan du Sud pour le report de son voyage, écrit le journal Okapi. Lors de l'Angelus de dimanche 12 juin, le Saint-Père dit tenir à ce voyage. Le pape François devrait se rendre en RDC et au Soudan du Sud du 2 au 7 juillet prochain. Ce périple a été reporté à la demande de ses médecins pour des raisons de santé. C'est ici que nous mettons fin à cette revue de presse régionale. Vous étiez avec Omer Ndouayo en compagnie de Médiatrice Ndikoumana. À la prochaine. Actualité régionale.